Wow. Yip, yip, yip, yip. Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Juste un gamer. Arcade Retro. Shadow QC. Joe. Et Kara. Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 25 mars 2014. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va! Ça va super bien! Super! C'est cool! Alors, qu'est-ce que vous avez joué cette dernière semaine? Plein d'affaires. Bien! À quoi tu as joué, Jug? Là, présentement, je joue à Dragon Scroll sur Famicom. Dragon Scroll? Ouais, Dragon Scroll sur Famicom. Puis, je joue à Slime Mori Mori Dragon Quest 3 sur 3DS japonais. Puis, je joue à aussi Dragon Quest Monsters 1 et 2 Remake sur PlayStation japonais. Puis... qu'est-ce que j'ai joué aussi? Ah oui, Pokémon X, évidemment. Oh, t'as changé ta routine de jeu Dragon Quest. En rajoutant un petit Pokémon et Dragon Square, de Dragon Scrolls au Famicom. Ah, ok, ok. Shadow, de ton côté? Toujours avec Zermer 3, j'ai testé le nouveau, le Titanfall, qui est sorti, qui avait sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, on a rejoué à un vieux jeu que moi et ma blonde, on avait bien, Spore. Pour ceux qui en a qui connaissent. Ouais. Oh mon dieu. Ils ont sorti ça sur Steam pas trop cher, fait que on a retombé dedans. On s'est amusé avec ça. Ils ont-tu modifié des affaires depuis? Pas d'après ce que j'ai vu. Ils ont juste comme vraiment sorti des grosses extensions, un peu comme le Galactic Adventure. Là. Ok. Joe, ton côté? Moi, je me suis fait défoncer la rondelle à Binding of Isaac toute la fin de semaine. J'ai pas arrêté de jouer là, j'ai genre en fait au moins un 20 heures de Binding of Isaac, j'étais écœuré de le laisser traîner là. Fait que j'ai juste joué à ça. Sinon j'ai trouvé un peu de temps pour essayer un jeu de zombies, je m'appelle Trap Dead. Jeu de stratégie de zombie survival sur Steam. Sinon côté board game, j'ai fait un week-end board game avec quelques amis. Puis j'ai joué à Fortune and Glory qui est basé sur l'univers d'Indiana Jones. J'ai joué à Last Night on Earth, qui est un jeu de zombies sur table, vraiment, vraiment le fun. Rappelle-moi, Joe, que le jour où tu vas vouloir me dire « j'ai envie de me faire défoncer la rondelle », tu vas te mettre en couple avec J. Picardin. Je me suis fait défoncer la rondelle! Ça sonne anal, pas mal. C'est assez, disons. Arcade, de ton côté? Ben honnêtement, j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer. Qu'est-ce que je me suis plus amusé, c'était avec l'iPad. Des dernières semaines, j'ai fait une découverte. Il y a une application qui s'appelle Apps Gone Free. Puis l'application te suggère à chaque jour des applications qui sont gratuites, qui normalement étaient payantes. Ils peuvent être gratuites une couple de jours, mais tu le dis quand la journée est gratuite. Des fois, c'est des jeux, des fois, c'est des cochonneries d'applications, des photos, puis des affaires de même. Puis t'as des jeux que des fois, faut que t'achètes des diamants, là, des affaires, des bundles à 30$. Ben là, des fois, il y a des spéciaux que tu en as pour 5 ou 10 piastres de ça, que ça te permet de jouer un petit peu plus longtemps. Autant que des découvertes pourrites, que tu as des affaires pas mal de fun. Je me suis amusé avec une coupe de jeux. Dans l'autre, c'est gratos. Tu le délires, tu n'aimes pas ça. Puis, ben c'est ça. 2-3 affaires que j'ai rapido presto là-dedans. Puis, ça s'appelle Wizard Quest, un jeu que j'ai joué. À voir. Si tu aimes genre des Wizards puis des Quests, ben, c'est ça, c'est Wizard Quest. Carotte, ton côté? Ben, moi, puisque Jug parlait de Pokémon X, moi, ce jeu-là, je l'avais déjà, puis je l'avais complété, mais il y a pas longtemps, j'ai trouvé le Pokémon Y à genre 20$, taxe incluse, là. Puis, je voulais l'acheter pour juste, comme, le revendre, je sais pas, là. Mais finalement, je me suis dit, ça me tente de rejouer, mais je vais pas effacer mon autre game. Fait que j'ai recommencé sur Pokémon Y. Après ça, j'ai aussi joué à Infamous Festival of Blood. Un peu le spin-off Infamous à cause de Second Son qui est sorti, que ça m'a comme tenté de jouer. Que j'avais pas joué encore, c'était un peu comme Halloween si on veut. J'étais un petit peu en retard pour jouer à ça, mais bref. Et il y a aussi quelque chose qui est un petit peu dans la thématique, c'est le Lego Marvel Super Hero, je me souviens plus trop du nom, là, que j'ai joué un peu. Ouais, avec les personnages de Marvel Comics, là. Ouais. Nice. De mon côté. World of Warcraft, encore une fois. Bon, c'est fini, là, on l'a perdu. Je m'en vais. Je joue aussi à Hearthstone pas mal. Je joue pas mal sur Pokémon Y pour ce qui est de mon 3DS. Et en fin de semaine, je me suis encore tapé plein de games de Faster Than Light parce que j'ai 45 heures de jouer sur ce maudit jeu. Pas capable de me décoller. C'est, je trouve que c'est trop bon. Trop bon comme petit jeu. Hey Arcade, t'avais apporté un thème, on avait jasé sur un thème de Michael sur Facebook à propos du manque de temps. Ah, Christine. Critique. Je voulais en jaser avec vous autres. Oui. Depuis que vous faites des vidéos, que vous faites des articles, ou que vous dédiez plus de temps à faire pour accro, mettons, trouvez-vous que vous manquez de temps pour jouer à certains jeux? Oui, mais c'est aussi à cause de la job. Ouais. C'est plus ça. Ouais, je pense que c'est plus à cause de la job. Ouais, je pas de job. Pas j'ai un horaire assez compliqué avec mon travail, mais c'est parce que quand tu tapes un jeu pour faire un review, puis tu sais, le temps que tu prends, tu le consacres à un jeu généralement pourri. Tu veux faire découvrir quelque chose que les gens connaissent pas. Mm-hmm. Et, tu sais, tu tapes le jeu de un, après ça, je sais pas pour vous autres, mais j'écris un texte, tu filmes, tu fais ton montage, tu l'uploads, tout ça, ça engendre beaucoup de temps qui pourrait être passé à faire beaucoup d'autres choses puis jouer à beaucoup d'autres jeux, mais tu sais, par le temps que tu fasses ça, t'es brûlé, il faut déjà que t'en commences un autre, fait que t'essayes des petites affaires à gauche puis à droite. J'ai voulu essayer beaucoup South Park, j'ai pas encore acheté, qui est 65$, 5$ de plus, fuck off, puis mais il y a un deal sur Amazon, hein, 45$, je pense. Amazon.com. Ouais. Puis, mais c'est vrai que c'est Michael a rapproché comme point, là, plus t'es là-dedans, tout ce que ça engendre, autre que jouer et plus que jouer, ben ça prend de ton temps. Puis, écoute, c'est pour le fun, c'est le fun de le faire, c'est le fun pour aussi de pouvoir le montrer aux gens, puis qu'ils rient, puis qu'ils soient amusés. Mais c'est sûr que ça enlève du temps pour jouer à d'autres jeux. Ouais, moi, j'en profite avant que le crunch time commence. Là. Dans le QA, c'est le point négatif, là, c'est quand que l'overtime commence, t'as pas fini d'en faire. Là. C'est quand tu finis par faire des semaines de 80 heures, des fois, tu finis par plus trouver le temps pour rien faire. Là. Mm-hmm. Ça. J'en profite. Tu vois, même moi, je suis dans un crunch time pour ce qui est de ma job à moi. Et ces temps-ci, je peux autant travailler 6 jours semaine. Puis, dans la dernière journée, j'ai même pas le temps de pouvoir souffler. Faut que je fasse les commissions. Faut que je fasse les. Ça on en fait. Exploité. Tu t'occupes de ton kid, tu le nourris. Ben, j'ai pas de kid. Bah oui, t'as l'air. Non, Tu es en train de d'insinuer que je suis papa sans le savoir. Il veut que tu confesses des choses que moi je suis pas au courant encore là. Il travaille tellement, il oublie qu'il y a un enfant chez eux. Oh mon kid. On a parti des nouvelles. Let's go. Mais avant ça, on va aller voir notre monde sur YouTube. Je fais une petite tour, j'en reviens. Ok, bon ben bye bye. Ah oui, il s'est échappé son drink sur le micro. Oh mon dieu, son nouveau micro en plus là. Il était tellement fier tantôt de me dire que son nouveau micro Ah non, excuse, je me suis mélangé avec Shadow. C'est ouais, c'est moi qui ai le nouveau micro, nouvelle caméra, pour le gros kit, pour la meilleure qualité. Il y a un gars, je sais pas si qui là, dans le chat, le testeur alpha, qui dit que justement, il aurait le goût d'embarquer, mais il a pas le temps. Je sais pas si qui, vous le connaissez. Pas sûr. Ça me dit rien. Non, le pire, c'est que j'avais une question à lui poser tantôt. J'ai écouté une vidéo de Doug Walker, Nostalgia Critic, parce qu'il parlait de 11 choses qu'on n'a jamais remarquées dans Ghostbusters. Oui. Puis il y a un cas qui montre, tu sais, quand il lance le Proton Pack dans le pouce-pouce de la petite madame, puis genre, tu vois la petite madame qui essaie d'éteindre le feu avec le Windex. Je voulais savoir si c'était vrai qu'on était capable d'éteindre un feu avec un Windex. Vu qu'il, non, lui qui est un grand consommateur de Windex. Pas d'alcool dedans, c'est vrai être correct. C'est pas de l'alcool là-dedans, justement. C'est ça, je sais pas. Ben non, mais. Ah, c'est de l'alcool. Non, je pense. Ouais. Non, je pense pas qu'il y a de l'alcool là-dedans. Faudrait qu'on regarde, là. Le best, ça serait de faire toute l'image là, sur internet avec des affaires assez pour freaker le monde, genre mettre du Gatorade dans le Windex, puis de boire, mettre du pudding à vanille dans un pot de maillot. Je pense que j'ai déjà dit ça. Ouais, je comprends. Ouais, c'est quelque chose. Tu sais, le gars, il y a son arcade de son écran d'ordi, là, il y a nous autres, là. Lui, il y a ses petits textes, il dit bon, ça, je l'ai tué aujourd'hui, le podcast de la dernière fois. Je pense pas. Je vais le dire, plus il lit, plus il se rend compte. Il me semble que je l'ai dit, ça. Fuck, j'ai oublié de le barrer, là, mon enfant. Ouais, un méga gros pad avec tout ce qu'il dit, là. Dans une app, clap, notre pitch, tu sais, au hasard, des phrases, des textes, des punchlines, pis comme, c'est déjà passé. Alors, on dit bonjour à Guitariste Poche. Bonjour. Salut Guitariste Poche, on dit bonjour à Antithèse qui est présentement sur le chat. Allô! Et fier de dire encore qu'il joue à Project Cross Zone. Oh my god. Ok, on va faire de quoi là, Antithèse? Dès que la prochaine fois que je te vois, je pense que je te confisque ta copie de Project Cross Zone pour que tu puisses découvrir d'autres jeux. Dis monsieur qui joue juste à World of Warcraft. Il joue à d'autres choses cette semaine. Oh! Oh! Bam! Qui essaye de prendre mon accord. Non, mais de toute façon, j'ai joué à d'autres jeux. J'ai joué à Faster Than Light aussi. Alors. Et à Hearthstone. Et je suis rendu par un niveau 18. Fait que je me trouve pas pire. Quel niveau? 18. Oh, vas-y voir avec le mien, moi. On dit bonjour aussi à Philippe Saint-Jean, on dit bonjour à Vitendo! Salut! Bonjour! On dit bonjour aussi à Dave Forêt. On dit bonjour à Kane Mojo. Salut! Et à Guillaume 3232. Salut! Salut! Ah, Tester Alpha nous laisse un message, il dit non, le Windex marche pas sur le feu. T'es mieux de tout laisser brûler et de garder le Windex pour toi pour le boire. Ça, c'est dit comme un vrai bon concierge. Un vrai pyromane. C'est vrai, il connaissait les produits chimiques. Hein? Probablement, oui. Alpha, on attend ton vidéo sur les tests de mop. Il bon, l'a pas oublié. Non, je pense pas. On part avec les nouvelles. Microsoft vient de nous annoncer le nouveau download de DirectX 12 pour la fin 2015. C'est quoi DirectX? C'est un logiciel que vous devez télécharger dans votre ordinateur afin d'améliorer les performances graphiques de votre... Les performances graphiques. Ouais. pour votre carte vidéo. Alors, il va y avoir un nouveau téléchargement d'ici 2015 pour les gros gamers d'ordinateur. Autre chose également, il y a une rumeur en ce moment qui est en train de se propager sur Internet à propos de la PlayStation 4 qui pourrait jouer les jeux PlayStation 1 et PlayStation 2 en 1080p. Ouais. Mais quoi, digital download ou quoi? Non. Ouais. Vos copies. Ouais, mais il me semble qu'il disait c'était pas supposé de. En tout cas, moi j'ai arrêté de me battre avec Sony. C'est une rumeur, on s'entend. Là. C'est vraiment. C'est souvent des rumeurs. Non, mais comment ils peuvent processer ça? Tu sais, le jeu il est fait avec une quantité X de polygones. Ils peuvent les faire mieux paraître, mais ils peuvent pas générer une meilleure image. Non, probablement pas, mais probablement ce qu'ils vont faire, ça va être seulement une application pour que tu puisses. À part d'avoir des bandes noires, là, on s'entend. Là. Mais juste pouvoir les. Juste jouer, mettre en format, mais juste à mettre, on va dire, à. En 1080, c'est pas la résolution, juste le format. C'est juste de upscaling. Ouais. Sûrement, ça doit ça être. Terrible. Ça doit être. Ouais. Ben, regarde. Ben, moi, ça m'arrangerait. J'ai pas de PS1, j'ai plus de PS2, puis j'ai une chute l'autre de jeu en arrière. Fait que... Ah, ben, j'ai pas la récolte. J'ai une PS1 à te vendre. J'ai une PS2, j'ai une PS2, pas une PS1. J'ai une autre PS2 qui sert à rien, cette là. Oh, ben, je ferais peut-être. Vous en parlerez après le podcast. Trafic. Mais il y avait quoi avant qui ressemblait à ça? C'était Blim. C'est un genre de CD que t'es supposé de. Ça n'a jamais marché vraiment ou décollé. T'es supposé de le mettre dans ton. Je me souviens. Alors, c'est la Dreamcast. Ça fait longtemps que ça n'existe plus. C'est comme ça partait. Puis apparemment, ça générait le jeu comme. Genre, ça lisait pour le lecteur optique, whatever. Tu mettais l'autre jeu, puis ça le mettait avec des meilleurs graphiques. Tu vois, si t'as des jeux de PlayStation, puis que tu veux vraiment jouer, puis t'as pas de PlayStation, tu peux toujours prendre l'émulateur de PlayStation, puis utiliser tes vrais jeux. Ouais, aussi, mais ça n'a pas le même. Mais c'est pas la même chose, hein. Hey, non, c'est pas la même chose. Alors, peut-être là. Je sais même pas pourquoi je t'allais proposer. Antithèse me dit que je dois spécialement dire ses autres jeux. Alors, pour lui faire plaisir et éviter qu'il vienne me péter à gueule, il dit également qu'il joue à Super Mario 3D Land et Mortal Kombat. Bon, je préfère mieux qu'il joue à Project Cross Zone, tant qu'à moi, là, mais ça, c'est moi, là. Juste pour quand je continue à l'écœurer. OK. Mais C'est en stade de rumeur, je précise bien par rapport à jouer au jeu PlayStation 1, PlayStation 2. Mais mettons que ce serait une... Moi, je trouverais que ce serait cool. Pourquoi ouais, juste la rétrocompatibilité, déjà, c'est pas si payé, mais pour... Tout le temps, le fun. Je vois pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour ça. Ben, ce qui pourrait être le fun, par exemple, c'est que la PS4, c'est que tu peux streamer tes jeux de PS1 et PS2. Ça pourrait être cool. Streamer? Ben, PS4, t'as déjà le Twitch intégré dedans, là. Ouais, wow. Ok, mais streamer en Mac, tu veux dire, ouais. Pas streamer pour jouer, là. Okay. Streamer ton jeu sur Twitch, là. Sur ton Twitch de PS4. Je sais même pas c'est quoi Twitch, man. Ah, du live. C'est du live gaming, fait que mettons. C'est comme le site officiel, on pourrait dire, pour tous ceux qui font ça surtout. Ouais. Et après ça, t'as du monde qui join les channels, puis qui écoute, puis qui regarde, puis tout ouais. Ça. Ouais. Puis rétro, mon gars, man. autre nouvelle. On va aller du côté de Notch. Vous connaissez... Non. La grosse nouvelle de la journée, c'est vrai. Facebook vient d'acheter Oculus Rift. Quoi? Moi? Ouais. Ça a été annoncé, là, genre, je pense, 2 heures à peu près. Là. Ouais. Oh, j'ai pas vu ça, moi. T'as vient de passer ses notes sur iOS 9. J'espère que ça fera pas. Ça ne fera rien planter, ça, là. C'est dans mes projets. C'est normal, les compagnies qui en achètent d'autres, là. C'est comme. C'est pas parce que, genre, Square Enix a acheté, genre, comme plein de compagnies que. Les compagnies arrêtent de faire leur jeu pour autant. Là. Je pense pas que ça soit en tant que tel, nous autres. Ah, mais ils doivent faire avec les notes dans la compagnie, par exemple. Là. Probablement, oui. Mais probablement qu'ils veulent aussi diversifier leurs intérêts. Parce que je veux pas une compagnie. Ouais. Tu restes pas dans un domaine. Tu t'arranges pour te diversifier dans énormément de domaines. Ouais. S'il y en a un qui plante, ben, t'as tes autres de ce côté. Non, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, Mark Zuckerberg, là, il a acheté plein d'autres compagnies qui n'ont absolument rien à voir avec les médias. Là. Mm-hmm. Juste que Oculus Rift, c'en est un autre. Il va bientôt dominer le monde. Hey, dans pas long, on va avoir une réalité virtuelle en 3D. On va pouvoir se parler face à face. Dans Facebook. Wow! Des photos justement de Facebook en 3D. Les gars qui disent boobs puis tits ou whatever, puis on va tous les voir, puis on va pouvoir les fesser virtuellement. Je te dis, man, dans pas long, le gars de Facebook va s'acheter, man, un hangar, un hélicoptère, un armée, man. Il va avoir des guns, il va avoir une armée mauve, man, avec le logo de Facebook. Vous, comme la Gestapo, man, tasser ton ordi. Mais t'as peu, là, t'as peu. Lui, il est américain, il a déjà tout ça. Et le mauve, là, tu sais, de Facebook, là, qui se promène avec des tanks mauves, avec le logo sur le côté, les drapeaux de Facebook. Ben, je change. Attends, en tout cas, hey. Ben, j'ai hâte de voir s'ils mettent un bon budget là-dedans pour le développement de cette machine-là. Moi, j'y attendais. Ils ont sorti la deuxième version il n'y a pas longtemps. Donc, j'attends. Je vais voir ce que ça va donner. Hey, ben, on va pouvoir faire Farmville avec l'Oculus Rift. On va pouvoir faire des fermiers. Pas sûr. Moi, j'entends ça pour du Arma 3, du Minecraft et tout le gros kit de même. Que parlant de ça, Notch a annoncé qu'il lâchait l'Oculus Rift, hein. Oui, c'est ça. Ils ont annoncé ça sur Twitter. C'était mon autre nouvelle qui venait après. Et quand le propriétaire de Notch, le créateur de Minecraft, a vu que Oculus Rift a été acheté par Facebook, il a fait « Non, nous autres, on crisse notre camp! » Ouais, il a fait Facebook freak me out. Tu sais, c'est comme la meilleure façon de faire comme « Fuck you, je m'en vais. » Ça risque de leur faire mal pareil parce que Minecraft était... C'est ça que le monde voulait beaucoup. Mm-hmm. Sur Oculus Rift, là. On va voir ce que ça donne. Facebook, eux autres, ils veulent aussi, de la manière que Mark Zuckerberg a écrit sur Facebook, il dit qu'ils veulent utiliser l'Oculus Rift pour améliorer l'expérience gaming sur Facebook. Et ils veulent également améliorer ils veulent créer ça comme aussi un nouvel outil de communication. Pour OK, pour l'outil de communication, peut-être, mais pour les jeux. Pourquoi tu veux faire Farmville en réalité virtuelle? What? Ils sont riches! Facebook est riche! Why not? Non, mais je vois même pas comment ils vont envoyer Farmville là-dedans. Celui qui joue à Farmville avec une paire de Oculus Rift qui vaut 350$, excuse-moi, il faut qu'il trouve d'autres choses à faire. Autant que le gars qui a acheté un ordinateur de gaming à 2000$, mais qui joue à Farmville. Hey, tu sauras que mon ordi à 2000$, il joue super bien sur Binding of Isaac, ok? J'ai rien à dire, moi aussi je veux ça. Attention à ce que tu dis après, j'ai peur de ce que tu peux me dire. Autre nouvelle également, j'ai pas mal plus de nouvelles. Les nouvelles qui restent, c'est pas mal des nouvelles de films. Incredible 2 a été annoncé officiellement par Disney. Vous en pensez de quoi? Un peu tard. Mis à part que j'entends les... C'est pas moi. Excusez. Mais est-ce que vous avez aimé ce film? Est-ce que vous avez aimé ça, le... La famille de super-héros, ça? Oui. J'ai aimé ça, mais la nouvelle me tient pas mal indifférent, là. C'est trop loin, ça a trop pris de temps avant d'en sortir un, deux, fait que le monde a eu le temps de l'oublier un peu. Ben là, Toy Story avait un gap entre les deux, entre les trois films, puis ça t'a pas fait oublier. Ben, il était indifférent au troisième. C'est plus oubliable que Incredible. Toy Story qui est arrivé, il n'y avait pas de film, tu peux te mélanger, tu sais, c'était Toy Story, là, c'était les premiers films. Les premiers. 3D, CG, pis t'es comme, ok, ça c'est hot, mais là maintenant je suis mélangeant de cars, de plane, d'escargot qui va vite, turbo, l'hélicoptère, pis l'Incredible, pis je suis tout mélangé avec ça. Mais. De toute façon, c'est des incroyables, en disant qu'ils ont pas été assez marquants pour ça. C'est comme John Goodman qui faisait la voix du père, c'est ça? Je sais pas. Je pense que oui. Hey, ça flash, c'est Jug. C'était bon, c'était vraiment bon, là. Moi j'adore ce film-là. Là. Il y a des terrains chez Jug. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Oh, chaud de lumière! juste pour préciser, en ce moment, Jug est en train de gosser avec sa caméra et faire plein d'effets. Donc, c'est la raison pourquoi que notre équipe. Pas grand-chose pour énerver du monde. Hein? Ben, ça flasher dans le coin de ton écran, ça bosse. Alors, pour ceux qui nous écoutent en différé, c'est ça qu'on voit présentement. Sinon, à part ça, on a aussi une nouvelle par rapport à Ghostbusters 3. Ah, ils vont le faire finalement? Hein? Ils vont le faire finalement? Ah, ils vont toujours le faire. La seule affaire, c'est qu'ils vont changer l'histoire. Ce ne sera plus les anciens membres qui vont faire partie de l'équipe. Ça va être une toute nouvelle équipe qui va être... La next gen. Ah non! Ben, ça n'a pas le choix. Tu veux quoi? Bill Murray, rendu fou vieux. Bill Murray, de toute façon, il ne veut pas refaire. Non, mais ben lui, il voulait le refaire avec toute la gang. Ouais, mais l'autre, il est mort. C'est ça, mais je pense qu'il avait entendu ça, que justement, il voulait le faire avec toute la gang. Vu que l'autre est mort, il a voulu arrêter. Il a dit non, notre équipe est plus là, là-dessus, nous, on le fera pas. Mais tu l'as-tu vu aux Oscars, Bill Murray, man? Il était tout décalé ici. Ouais, il était vraiment comme... Moi, ça faisait longtemps, je l'avais, on dirait, pas vu live, là. Mm. Puis quand j'ai vu, je dis tabarnak, le gars, je sais pas à quel âge, mais il était... Méchant coup de vue, mon gars, man, les cheveux blancs, puis il shakeait avec ses mains. C'est plus le Ghostbusters de dans le temps. Man. Non, mais là, il doit quoi, 60 ans passés, sûrement? Ouais, 60 ans passés, Chris, c'est sûr, mais il doit avoir genre 70 ans. Là. Ça, mais c'est ça, faut pas y demander trop non plus. Non, je sais, mais de toute façon. Toute façon, on s'entend-tu que pour ce qui est du. Harold Ramis, il est mort déjà en partant, ça aide pas. Okay. Il y avait déjà une histoire décrite. Le gars, il est mort parce qu'il avait une maladie depuis au moins 6 mois. Il mourait petit feu. Ils sont juste décidés, OK, on repart à neuf. On va continuer l'histoire, mais d'une autre façon. Puis ils vont intégrer un caméo de Bill Murray. Pas de Bill Murray, mais de Dan Aykroyd, parce que Dan Aykroyd a... veut pas avoir son... quand même son mot à dire dans cette histoire-là. C'est lui qui l'a écrit, tu sais. Wow. Ça serait quoi? Ça serait une nouvelle équipe, puis genre, il y aurait les anciens Ghostbusters, puis les reformerait, ou c'est vraiment juste, voici Ghostbusters, une nouvelle équipe? Ben, ça serait probablement l'ancienne équipe, mettons, ce serait Dan Aykroyd, parce qu'on s'entend que Bill Murray, ça ne tentera plus même d'y aller. Probablement Dan Aykroyd qui formerait une nouvelle équipe, puis lui serait comme le leader en arrière, tu sais, ça serait comme un dirigeant, mettons. Ok, genre, il passe le flambeau. Mm-hmm. Ouais. God, that's super. C'est ça. Je pense que c'est rendu là, regardez, on s'entend, là, le dernier film date de quasiment 30 ans. Là. Je préfère ça que juste, ok, on oublie l'ancienne série, voici une nouvelle, la nouvelle génération, voici les Ghostbusters, les autres n'existent pas. Si c'est possible, je préfère toujours un passage de flambeau, tu sais, avec une intégrée dans l'histoire. Là. Ouais. Mettons, tu vois que ça marche mal, ils sont vieux, il y a une nouvelle attaque, puis ils peuvent pas, fait que là, ils vont recruter genre son neveu, son frère, son fils, whatever, là. C'est ça, mais de la manière qu'il parlait dans les entrevues, il voulait surtout rajouter une équipe plus féminine. OK. Vraiment une équipe de 4, mais qui aurait comme 2 filles à l'intérieur pour... À place de juste être genre la secrétaire, puis tout ça. C'est vrai. Ben, tu sais, quand on se base, mettons, sur le dernier jeu qu'il avait fait, là, le jeu qui était en fait un film... Ouais, c'est ça, alors, ouais. L'histoire de base, c'était des nouveaux, c'était des newcomers qui devenaient les nouveaux Ghostbusters, tu sais. Mais c'était quoi? C'était un newcomer. Ben, ouais. Ça dépend de la version. T'avais deux newcomers, t'avais la fille puis le gars. Ouais, dans la version Wii. Ouais. La version Wii PlayStation 2, c'était... T'avais le choix entre un gars puis une fille. Puis à la fin, quand tu finissais le jeu, ben les deux partaient ensemble faire leur propre truc. Arrêtez de faire des bruits, s'il vous plaît. Ça, c'est... J'ai pas essayé de guider, mais moi. Moi non plus. Non, mais ça, c'est tout le monde. Je vous demande de faire attention parce qu'après ça, c'est moi qui se tape le montage après. Faut que je cherche le son. Merci. Non, c'est ça. Il y aurait deux réalisateurs pour le troisième film des Ghostbusters. On retrouverait Phil Lord et Chris Miller. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux gars-là? Il y en a qui m'a dit quoi. Phil Lord m'a dit quoi? Vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'il a fait. Notre sujet de tantôt, The Lego Movie. Ah, non. Ah, ben, c'est bol. Ouais, mais avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? 21 Jump Street avec Channing Tatum, puis comment il s'appelle, le petit gros. Ah, ouais, le gars de... C'est pas Superbad, mais le gars de... Ah ouais, Superbad. Non, Superbad, c'est pas lui. Superbad, oui. C'est les trois jeunes, c'est Project X. Le gars qui joue dans The Wolf of Wall Street, tout ça, non? Ouais, c'est ça. OK, ben, le petit gros, le gars, le petit gros. C'est ça. on se souvient pas de son nom, mais, tu sais... Le petit gros qui joue dans tous les Fuck films. Fuck me, là. Right? Lui. Ouais. Fait que, non, c'est ça, c'est vrai que c'est le réalisateur de ces deux-là qui va, qui sont pressentis pour Ghostbusters 3. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est deux réalisateurs qui sont bons dans la comédie. 21 Jump Street, je l'ai bien aimé. Lego Movie, je l'ai bien aimé, comme je vais en jaser tantôt. Ouais. Fait que, non, je trouve que c'est très, très intéressant, de voir que ça va être deux bons réalisateurs qui risquent d'être derrière l'histoire, en tout cas dans mon cas, là. Mais je trouve ça toujours drôle de voir des réals avec le travail d'animation. Je sais que le travail est relativement le même, mais quand c'est du live action, la mise en scène est totalement différente que c'est de l'animation. Souvent dans l'animation, oui, il va travailler les acteurs, les comédiens vont faire la voix, mais après ça, ils vont faire l'animation des personnages. Fait qu'il va travailler les voix, puis après ça, l'animation va être collée par-dessus. Tandis que là, t'as pas le choix dans du live. Le comédien, il est là. Il faut que tu joues sa performance, faut que tu joues... un paquet de trucs, fait que je trouve ça drôle un petit peu de je sais pas, d'être un réal sur un film d'animation comme ça en 3D, là, en CG, c'est comme un peu, on dirait, toned down comme job, là. En tout cas. Je vais me faire assez de ta maths. Plus difficile? Pas difficile, on dirait que c'est... je peux pas dire plus facile, je dirais pas ça, parce que ça serait d'être méchant. Mais je crois que c'est plus complexe avec des comédiens en live action que de le faire en CG. Parce qu'en CG, il va travailler ses comédiens, ils vont enregistrer les voix, c'est dans un contexte hyper contrôlé, dans un boot, puis après ça, ben ils vont juste faire l'animation des bonhommes dans un autre studio à gauche puis à droite. C'est pas pareil pour un live action. OK. C'est, je sais pas, c'est mon opinion. Non, on l'accepte tous. Je veux dire, t'as surtout une formation là-dedans, on s'entend, tu connais plus ce milieu-là que nous derrière. Peut-être Joe connaît un peu plus de son côté, côté gaming, mais j'imagine que t'as pas travaillé là-dedans en plus dans ce coin-là. Fait que... Dans le rétro gaming, ça? Non, je parle de, mettons, motion capture, moi... Non, j'ai pas travaillé vraiment dans ce domaine-là, fait que j'en connais pas énormément, je sais comment ça fonctionne, mais pas plus qu'il faut, là. Mm-hmm. Ben, est-ce que, Cara, toi, t'avais eu la chance de jaser avec... T'as-tu eu la chance de jaser avec un des gars de Borderlands? Une des voix, je pense? Ben, lui qui fait la voix de Sir Hammerlock. Oui. Puis Michael Tatum. Est-ce qu'il en a jasé un petit peu du travail de voice actor? Ben, dans son panel, lui tout seul, il en a fait comme une petite ligne de référence, mais après ça, il y en avait une autre dans le All-Star qu'elle avait fait une voix, mais c'était comme une voix pour un gun spécial, fait qu'il avait pas fait grand-chose, mais il avait parlé un peu du processus de tout ça, là, mais je me souviens pas nécessairement de les détails. Okay. Ben, pour les Batman, là, c'est pas Batman Beyond, les Batman en cartoon là, qui portent le saut de gris, c'est pas Dark Knight, Colin. Batman, The Brave and the Bold. Puis non, elle est dans la série de cartoon qu'il y avait là, un petit peu très... Kevin Conroy? Non, ben celui, excuse-moi, je veux dire, c'est la série, mais je parlais de Mark Hamill qui faisait la voix du Joker. Ouais, c'est ça, l'animated series avec Kevin Conroy ouais. comme ouais, c'est ça. Voice actor. Il y avait un vidéo promo pour le jeu Batman qui sortait, il montrait Mark Hamill qui était dans le boot, comment il faisait sa voix. C'était pas simplement, tu sais, des fois tu vas voir dans des films, le gars est assis confortablement, on dirait qu'il fait une lecture de poème devant des enfants, tu sais, avec ses lunettes, une petite lumière tamisée, il fait une lecture. Mark Hamill, mon gars, c'était un spectacle dans le making of, dans la capsule. Si vous allez le retrouver sur YouTube, je trouve d'avoir trouvé ça. Le gars, il est canté. Excuse-moi, il est pas canté, il est debout, puis il joue, il a une performance, puis il bouge, man, puis juste pour que sa voix ait les bonnes intonations. Mais toi, tu vois jamais ça. Toi, tu vois, c'est une voix à travers un personnage en CG qui est là devant toi. Mais le gars, man, il se la brasse dans le boot, là. C'est une performance qu'il donne, tu sais. Ben, je sais pas si t'avais vu son entrevue qu'il avait faite à un moment donné à la télé, puis qu'il y a un fan en arrière qui a dit « Fais-moi Joker! » Là, le gars, il part. Puis tu vois vraiment qu'il part à rire, puis qu'il se crisse à terre pour rire, tellement qu'il était perdu dans son personnage. C'est ce qu'on appelle s'investir dans le personnage. Ah, tout à fait, tout à fait. Ben, écoute, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, moi, selon moi, ça va être. Je donne un bon espoir. Je me dis, garde, les réalisateurs, s'ils sont capables de se concentrer sur l'aspect que ça va donner de Ghostbuster, selon moi, ça va être un bon film. Je suis pas mal sûr de ça. Dernière nouvelle que j'ai ici, concernant X-Men Apocalypse. Vous savez que X-Men Apocalypse, ça va être la suite de X-Men Days of Future Past, qui a été tourné ici à Montréal l'année passée. J'espère qu'ils vont J'espère qu'ils vont revenir à Montréal. Ils travaillaient là-dessus. Ça serait le fun. Hein? C'était le fun. Ils filmaient pas loin de ma job. En plus, j'ai pu croiser une couple des acteurs par chance. Ils ont filmé à côté de ma job. Ils ont filmé au Palais de Justice, à la mairie de Montréal. Ouais. Ils ont mis la bande annonce. Ouais, c'est ça. On le voit à la bande annonce. Puis on voit toutes les clôtures. Je me dis comme. Parce que je savais où est-ce que j'étais la journée où est-ce qu'ils ont fait ça, tu sais, là. Mais tu pouvais même pas. Tu sais, la sécurité était tellement intense là, pour ce film-là, tu pouvais vraiment pas passer. Mon gars, il est pas ici, tu faisais passer. Là, c'est comme, ah ouais, passe, t'arrêtes pas, tu regardes pas. Il y a tellement de monde qui a travaillé sur ce film-là. Il y avait des journées là, qu'il y avait des centaines de gens, incluant les figurants sur le même plateau. Là. C'est débile là, pour un film. Ok, c'est américain, mais c'est tourné à Montréal, mais quand même d'une envergure comme ça. C'est de l'effectif, mon gars, man. C'est écœurant, là. Il va y avoir deux personnages qui pourraient se ramasser dans le prochain film d'X-Men. On parlerait d'ici de Gambit puis Nightcrawler qui pourraient se retrouver dans le prochain film. Yeah. Donc, on retrouverait. Ce serait la première équipe de Days of Future. Pas Days of Future Past. Le premier First Class. On retrouverait le jeune Professeur X, Magneto, Mystique, Beast qui seraient ensemble. Et on pourrait revoir Gambit. Et un jeune Nightcrawler pour Apocalypse. Ok, le Apocalypse se ferait encore un peu dans le passé, on pourrait dire. C'est ça, avec la team du passé, là, c'est... À place de... Je commande ma grosse poutine smoke meat, je reviens. Ok. Je peux pas donner mon adresse live sur le podcast. Ah non, tu veux pas? Hey, Chris, man! Il y a quand même une couple qui aimerait ça l'avoir, en tout cas. Avoir des commandes bizarres, man, que je retourne chez nous, des enveloppes avec l'anthrax puis des affaires de même. mais non. On peut quand même vous faire une publicité pour la case postale des accords des jeux. Profitez-en, vas-y. On va faire la publicité pour la case postale. Si jamais vous voulez nous faire parvenir quelque chose, que ce soit une lettre ou vous voulez nous faire parvenir un DVD ou quoi que ce soit, nous avons la nouvelle case postale des accords des jeux. Quelle est l'adresse de la case de la boîte postale? Eh bien, c'est le Acro de jeu, casier postal 314, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B8. Et vous inscrivez aussi le nom du critique que vous voulez faire parvenir quelque chose. Et moi et Marilyn, on va s'occuper de lui faire parvenir. Alors, vous, pendant que vous avez entendu Arcade Rétro donner son numéro de téléphone, est-ce que vous avez des nouvelles de votre côté? Moi, rapidement, pour les fans d'animation japonaise, je viens d'apprendre hier qu'il y a une nouvelle série de Black Butler qui va sortir au mois de juillet. Donc, nice. Ça sort au mois de juillet au Japon. Puis après la série de 12 épisodes, je crois, il va y avoir un autre OVA. Puis pour ceux qui ont suivi le manga, ça suit le arc du cirque. Ok. Et moi, je suis pas bébé cette série-là. C'est quoi cette série-là? Black Butler, c'est une série d'animé avec un personnage qui a un butler qui en fait un démon et qui a fait un contrat. Puis à cause d'une série d'événements, les deux sont liés les uns aux autres. Puis ils sont pognés pour s'endurer. C'est vraiment intéressant, là. C'est très court comme série animée si tu veux la regarder. Le manga continue encore. Je crois qu'ils ont une cinquantaine ou une soixantaine de chapitres jusqu'à maintenant. Pour l'animé, on parle d'une quinzaine d'épisodes à date. C'est deux peut-être saisons. Peut-être une vingtaine. Hein? C'est une saison ou deux. Non, il y en a deux. Je me rappelle qu'il y en a deux, mais je ne me rappelle plus le nom d'épisode que j'avais écouté. Vraiment une vingtaine. C'est un shonen ou c'est un seinen? C'est plus un shonen. C'est un shonen shoujo, je te dirais. Non. Non. Shonen avec un peu de yaoi. C'est très soft comme yaoi, par exemple. C'est même parodique un peu. Ouais, c'est ça. C'est plus parodique yaoi. Vous venez de me perdre avec yaoi, hein, je vous avertis. Moi. Non, c'est très bon, par exemple. C'est très bon. Comme je te dis, c'est parodique. J'ai-tu donné mon numéro de téléphone? On a entendu ça. Vous n'avez pas entendu le début, là? Non, je pense pas, mais j'ai entendu la fin. Et tabarnak, ok. On est beaux appels érotiques. Ça s'appelle fermer ton micro quand tu veux faire des choses personnelles. Écoute, ben, mais là, j'étais super loin, man. Ok. Ça va. Un gros bon micro. Non, de toute façon, on a juste entendu la fin. Fait que, à moins que le monde décide de vouloir appeler, ça va prendre un esti de bout à te poigner. Oui, puis là, comme pendant la nuit, il y aura quelqu'un qui va inspirer fort. Ah, c'est toi qui fais des vidéos d'arcade. Mais t'as-tu plugué ta boîte postale? Oui, déjà plugué. Ouais. Je voulais. Ben, ok, mais plus tard, on repluguera ça. Plus tard, je vais avoir un appel à tous qui va venir plus tard, puis on va sûrement. Ben, je risque sûrement d'avoir besoin de votre boîte postale pour ça. D'accord. Alors, on est parti dans le sujet du jour. Yeah. Alors, aujourd'hui, on va, avant tout, excusez-moi, on va aller voir le monde sur le chat. Je suis désolé de vous l'oublier. Et on va aller voir qu'est-ce que vous jasez dernièrement. Alors, ça jase beaucoup de Poutine. C'est fun de savoir. Tu viens des perles, là. Tu viens des perles. Ouais. La Poutine a comme été le sujet principal de la chat. C'est une série de rétro, de jeux vidéo, genre tu prends la poutine Metroid, t'as l'affaire, tu prends la poutine Pac-Man, t'as comme des manches. Je sais, on fait une émission de cooking, on fait juste de la poutine avec des designs de jeux vidéo. Le pire, c'est qu'on pourrait vraiment le faire. Ouais. Ça serait débile. Comme Nerdinomies, là. Comme quoi? Comme les quoi? Nerdinomies. C'est quoi, ça? Je connais pas. Vas-y, Kara. Ben, dans le fond, tu peux la trouver sur Internet. C'est une fille qui fait des un peu des genres de recettes basées avec des trucs de jeux vidéo ou n'importe quoi de geek un peu. Genre, quand elle a fait... j'ai misère à m'en souvenir un peu, là, mais je sais qu'elle avait déjà fait quelque chose basé sur Minecraft avec des Rice Krispies puis toutes sortes de trucs de même, là, puis des manettes en biscuits puis toutes sortes d'autres... des gâteaux ou n'importe quoi, là. Thématiques jeux vidéo, tout ça. Mettons un gâteau format Mario puis elle fait le moule puis tout ça. Genre, elle a fait un château aussi avec ça. Elle a fait des drinks aussi. Elle a fait un drink de potion de Diablo. Okay. Elle montrait la potion de vie, puis la potion de mana, comment qu'elle faisait avec du rhum, puis comment tu voulais aïeul avec des Skittles, là, c'est ça qu'elle te montrait. Fait que... On va embarquer dans le sujet du jour, qui est les Legos et... On va vous jaser des Lego également en général. Parce que. Merci à Kara, parce que c'est Kara qui m'a fait rappeler ça, mais on n'a pas jamais jasé des Lego en général. Et je trouve que c'est intéressant. Fait que je vais commencer avec Kara. C'est quoi ton histoire avec les Lego? mon histoire avec les Lego, ben je peux te dire déjà mes souvenirs qui n'ont pas rapport avec les jeux vidéo, donc juste les Lego et les petits blocs. Là. Ouais. Je les avais dans le temps où il n'y avait pas encore d'ensemble qui coûte genre 60$ pour rien qu'une couple de petits morceaux. Là. Mm-hmm. Fait que c'était des barils carrément de Lego, plein de couleurs, plein de bases, sortes d'affaires comme ça. Puis je jouais en masse avec ça. Mais j'ai jamais rien fait d'extraordinaire. Je sais qu'on avait déjà fait dans il y avait une espèce de livre des fois avec des modèles de ce qu'on pouvait faire là. Il y avait une espèce d'ourson là. Il était vraiment gros là. Je sais même pas si je l'avais fait ou pas, mais je sais quoi, on l'avait déjà eu. Pour ça, je faisais juste des petites maisons là, avec promener des petits bonhommes là, puis je prenais mes figurines de Pokémon puis je mettais ça là-dedans. Toi, t'as appris les choses, c'est correct! Yes! T'as compris que c'était mieux qu'un char ou un gun comme moi. Moi, je faisais des guns. Moi, dans mon trip, là, je faisais pas de maison, je faisais pas de bâtisse. Moi, je faisais des... solides. Oh, moi, j'étais pas tout seul, finalement. Je suis content, j'étais pas tout seul. Non, mais il t'a fait pas. Je moi, il t'a fait. Donc, il se désagrégeait dans ma main. Comme... il t'a fait. J'ai... maintenant, j'avais... il y en a un sur mon dernier, j'avais mis de la colle, pour être sûr qu'il t'a... Ah, mais c'était laid quand tu faisais un gun, pis c'était des cubes pleins de couleurs. Fait que t'avais un gun multicolore, c'est fucking pas crédible. Tellement pas. Ouais, mais dis ça dans les films de science-fiction, ils ont tous des guns avec plein de couleurs. Ouais, mettons, si le gun est tout bleu, tout rouge, quelque chose, mais t'as un gun avec des briques de toutes pleines couleurs, oublie ça, man. C'est ça, comme moi, j'avais comme Kara, c'était les grosses affaires carrées de pleines couleurs, que jamais qu'est-ce que t'as besoin, fait que j'en avais deux, trois de ça, fait que c'était ça des affaires bizarres que ça donnait à la fin. Joe, ton côté? Lego, j'en ai passé des heures à jouer quand j'étais jeune. Ma mère m'en achetait à quasiment tous les mois, fait que j'ai une grosse collection. Moi, mon dada, c'était de faire des villes. J'avais qu'un ami, on s'était arrangé les deux. On avait son sous-sol, puis ensemble, on avait fait une ville au grand complet. On avait pogné, tu sais, les gros tapis. Qu'il y avait genre que tu peux jouer avec tes petites voitures dessus. On avait pogné ce tapis-là. Pour chaque building de la ville, on avait un building Lego. On avait les autos, on avait tout. Au bout des années, finalement, ça l'a vraiment grossi. Puis on a fait fuck le tapis. Puis avec lui, on a c'était genre une ville complète Lego. On avait les trucs de cliffhangers, on avait les trucs de plage, on avait le poste de police, on avait le fire department, on avait tout. C'était vraiment fucking énorme. Fallait qu'on fasse attention pour pas marcher ces buildings. Non, c'était vraiment là, c'était super. Là, j'allais chez eux puis on se passait des heures à juste faire ça. Et les pieds de la mère à Joe souffrent encore des d'avoir pillé ce pied des gros. Probablement mon père aussi. Ah oh, ouais. Hey Jog, on t'a pas encore entendu parler? Vas-y. Moi j'avais un gros baril de Lego, toutes sortes de couleurs puis de morceaux. Puis c'était ça dans quand j'étais jeune, les Lego, puis t'avais des. T'avais des sets, là, mais tu sais, c'était des affaires spéciales, là, tu sais, comme le bonhomme d'espace, là, pis ça va de même, là. Des sets ben pas compliqués, mais tu fais prendre ces morceaux-là, faire d'autres affaires. Moi, je faisais des jets, des chars de police, des camions de pompiers, puis des trucs de construction. Moi, c'était mon truc, faire des petits véhicules. Ah oui, des trucs de l'espace, je me rappelle, justement, j'avais eu mon plus gros que j'avais eu ever, c'était un truc sous-marin, c'est une espèce de scorpion des mers. Il était ça de gros, puis il y avait des pinces qui fermaient. Hey, c'était énorme, là, c'était écœurant. Ah, j'en veux d'autres, faut que je m'en rachète. Fuck les jeux vidéo, ouais. Fuck les jeux vidéo, moi, je suis Lego, tu sais. Un truc que ça vaut fortune maintenant quand tu checks ça, là, les kits, là, c'est 60-100$ là, pour oui, ta bébelle, ok. Ben, mais tu sais, ok, oui, j'ai mon affaire Halo, ben, okay, demain, on va être ça, puis tu peux rien créer en tant que tel, tu l'as fait, puis c'est fini. Les barils, je sais même plus si ça se vend. Je pense que ça existe encore. Ben, c'est dur à trouver, je suis sûr, parce que j'en voyais pas nulle part. Au site de Lego. Ben, je me mélange peut-être avec les Mega Brands, parce que les Mega Brands, je sais qu'ils en font encore. Pourquoi c'est les gros blocs, ça, Mega Blocks? Ouais, Mega Blocks, c'est la compagnie à Montréal. Là. Canadien, ouais. Mega ouais, Blocks, c'est de la merde! C'est presque pareil. T'as rappelé. Hey, Jog, tu peux te rappeler, ils ont fait un orc de World of Warcraft. Ouais, au Comic-Con. Il y a 2 ans. Ouais, ben c'était assez big, là. Puis il y avait le bonhomme de Halo aussi, il y avait Master Chief. Ouais. Mega Block? Megablock, ouais. Night Shit qui a fait ça? Ben, Megablock. C'est Megablock. Pas le concierge de Megablock qui a fait le bonhomme. Là, ils ont dit, ouais, c'est la compagnie qui était là avec leur stand, puis il y avait le gros bonhomme de World of Warcraft, full big, là, fait en Megablock, puis tu avais Master Chief à côté. Un artiste, là, XY, là, qui a fait ça, quelque chose. Non, je sais pas, mais c'est Megablock, Chris. Ils vendaient leurs produits sur place au Comic-Con, ils étaient là avec leurs figurines. Moi, si tu n'irais pas, tabarnak. Et le nom du concierge, c'était Tester Alpha. Ouais, c'est ça, celui qui a fait le bonhomme à Megablock. Mais juste pour vous dire, Tester Alpha a fait des pixel art en Lego. Et ils sont vraiment beaux. Il a fait un Megaman en Lego. Ok, wow. Il est vraiment cool. Jamais on voit, je pense qu'à Québec, ils risquent de les amener. Ils vont peut-être les vendre. Ils vendaient comme, je pense que c'était 30 ou 40 piastres. Mais c'était vraiment un gros Megaman en bloc collé. C'est fucking beau, là. Tu sais, avoir le talent que j'ai là, jeune, j'en aurais fait des Mario puis des Megaman, tu sais. Moi, j'avais de quoi, man, quand je joue au Lego. Là, c'est vraiment une tranche de vie intime, là. Lumière. Nous autres, on avait un code, moi puis mon chum. Ben, mon chum, c'est mon cousin. Je sais pas s'il écoute le podcast maintenant, hein, mais s'il écoute, t'es fait, man, je te trahis. Nous autres, on avait un code avec nos bonhommes. Moi, j'amenais tous mes bonhommes chez eux, ou si c'était chez nous, il y avait tous ces bonhommes chez nous. Puis là, on séparait les têtes, les équipements, les jambes, toutes les affaires. Fait que là, on étalait ça, il y avait des lignes, puis là, on se faisait des armées. Fait que là, c'était chacun notre tour, on choisissait des têtes. Fait que là, après ça, chacun notre tour, on choisissait des casques, des armes, des sacs à dos. Fait que là, à un moment donné, tu fais un choix, ben, un gars qui est ramassé avec des casques, l'autre qui a pas de casque, genre un chapeau de Robin des Bois, l'autre, il a les faces bien cheap avec deux points puis une bouche, l'autre, il avait les mean face avec des cicatrices, des yeux avec un eye patch. On se faisait un genre de règlement, puis les bonhommes qui avaient des guns, c'était genre une balle, un hit. Donc, ils meurent, puis les flèches, ça prenait deux flèches. Une flèche, t'es blessé, l'autre flèche te tue. Fait qu'on avait genre un code de vie quand on jouait à Lego, on séparait les bonhommes. Exemple, si le plate il est dessiné sur le top, ça compte pour absorber une flèche ou une balle. Puis si c'est un plate que tu insères sur le bonhomme, c'est comme trois flèches ou deux flèches, je m'en souviens plus, sa troisième t'es blessé. Plus deux balles. C'est comme un code d'honneur de Lego, man. C'est mon temps Warhammer, finalement, avec ça. c'était hardcore. On avait joué les bonhommes normales, mais là, à un moment donné, tu sais, le gars qui a le kit des policiers, là, c'est pas fair avec le gars qui a le kit des chevaliers. T'sais, quand t'es là pour jouer, parle ah! c'est ça. On nos affaires, puis on se prenait nos bonhommes. On se buildait des armées, là, c'était vraiment fucked up. Ça me fait penser justement à la fin de mon école primaire. On commençait à découvrir avec mes amis Donjons et Dragons, on commençait à découvrir les livres dont vous êtes le héros. Puis on s'en était inspiré, on s'était fait une espèce de jeu de RPG avec les Lego. On prenait nos personnages, puis on pouvait bouger d'un nombre de blocs X en fonction des statistiques. Puis tu pouvais acheter des items avec ton cash. Puis ton cash, c'était des petits jetons, genre de couleur transparente. C'était genre tes gemmes pis tout. Fait qu'en mesure de jouer, mais là, tu faisais avancer ton personnage dans le donjon que le DM avait créé, genre. C'est attends, Chris. Ouais, c'était fucking awesome. En fait, un jeu d'échecs avec les bonhommes. Genre, t'avais des bonhommes, mais là, c'est jamais qu'ils pouvaient pas 10 bonhommes pareils comme des pions. Dans le fond, c'est super poche parce que t'avances. Tu vas faire le carré noir et blanc, c'est l'échequier. Mais on a essayé, hein? C'était tout plein de couleurs, là, c'est fucking affaire, pas le mail. Mais il y a plein de monde sur Internet, là, que tu peux aller voir sur, genre, boardgamegeek.com, puis le monde a actuellement fait des jeux de table avec les Lego. Tu peux carrément jouer à des jeux de table avec tes amis avec des Lego. Ouais, j'en doute pas. Ça me fait même pas, okay. Puis il y en a qui sont vraiment, actuellement, vraiment le fun. Mais des jeux, une copie, ils ont juste pris le jeu puis ils ont fait... Non, ils ont quand même pogné des Lego puis ils ont fait, ben, ça c'est le plan puis ça c'est les règles, voici le jeu. Lego de board game. Non, mais c'est des jeux avec des Lego. Okay. T'as déjà les pièces de base, fait que c'est pas illégal. Là. Ça existe déjà. Ça existe déjà? Ben oui, tu peux en trouver au Toys R Us des jeux sur table de Lego. Ok, ben, j'ai rien dit. Acheter les jeux de base. Regarde maintenant les jeux des figurines. Hein. C'est bien mieux d'acheter un jeu vidéo qu'une figurine. Le kit de Lego, genre de Star Wars avec un bonhomme, puis genre un petit vaisseau, c'est tout de suite comme 30$. Tu sais, entre 30$ pour trois bonhommes, tu vas perdre les morceaux, ou 30$ pour un jeu de DS, c'est normal que le monde achète plus des bonhommes. Puis comme que je dis, si t'as un kit, t'as pas... On dit, tu vas pas pouvoir créer comme on faisait quand tu as une chaudière. Même si c'était toutes les couleurs, on s'en fout. Tu pouvais faire une création avec ça. Là, c'est juste une figurine. Non, ouais, je crois que ton kit, c'est le fou. Tu l'as monté, ouais. Puis tu vas jouer avec, il peut se péter. Mais tu peux le remonter, mais tu peux pas faire grand-chose. Je pense que c'est le site de Lego, Lego France. Et ils vendent encore le baril de Lego. Oh, il est 27€. Je sais pas combien que ça donne en... 30$. Je vais regarder rapidement. Ça semble l'euro, il est baissé, il est pas aussi gros. Que... Il m'a rendu moins cher. 40 canadiens. Il y a tout un saut de 600. 607 morceaux. Mais y a-tu tout dedans? Et vraiment, quand c'est barré, c'est tout ou c'est juste les pièces cubiques, tu sais, les cubes, les rectangles? Non, je vois des roues. Je vois des roues. Les roues, des pivotis, des affaires, dans le fond, c'est les ça, restes. Je vais mettre le lien. Vraiment les gros chandelles qu'on avait dans le temps, finalement. Je vais mettre le lien dans le chat interne. Je sais pas si je suis capable de vous le mettre sur le chat externe pour ceux qui nous écoutent live, mais il existe encore les grosses chaudières. Dans le fond, le concierge passe le balai, puis il vide le porte-balai dans les barils. Voici un baril complet. Là, il s'en va. Cara, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Il y a quelque chose dans la tête tantôt, je me rappelle plus, fait que pense aussi. Yo, il a embarqué tout de suite, fait que... Je veux te faire parler, moi. Moi, je pense à toi. Que j'aime beaucoup, c'est de 4 âges. 4 à 99 ans. Si t'as 100 ans, t'as pas le droit. Ouais. Ah, 100 ans, t'es trop vieux pour ça, get the fuck out. Shadow, t'as posé une question sur le chat que je trouve intéressant. Votre plus belle création que vous avez faite. Pas mal ce que j'ai dit tantôt, la grosse ville, là, c'est pas mal le poids que j'ai fait. Hey man, je faisais des robots. Avec toutes les pièces, là, nous autres, on splittait des morceaux. Puis encore avec mon cousin, on se faisait des courses à robots. Fait que toutes les pièces dans le milieu, on partait avec une idée. Puis on savait à peu près où est-ce qu'on s'en allait. Puis là, on patentait de quoi. Puis à la fin, quand il reste presque plus de pièces, on regardait quel robot qui pouvait battre l'autre. Là, mettons, il a juste fait un bras, pas de gun. Ah, too bad, là, fait que tu fasses des canons, des flèches, des affaires. Mais souvent, les robots oublient ça, là, c'est des mantibulettes. Tu voulais te battre un contre l'autre. Un coup, tout tombe. Calice. Oh, des fois, ça surprenait tellement que ça tenait pas ou il y avait déjà deux petites crises de pièces qui voulaient jamais se défaire. Ah oui, ceux-là, là. C'est avec les dents. Je suis sûr que des pièces de Lego, surtout les petites plates, là, les corps ouais, de Lego, ouais, ouais. Avec des traces de dents ou des affaires de même parce qu'on a essayé de les sauter. Ouais. Ça, tout le monde en a eu. Ah ouais, je me suis déjà étouffé avec des Lego en faisant ça, là. Ma mère, elle me trouvait vraiment en cave quand j'étais jeune, là. J'ai dû m'avoir étouffé au moins une dizaine de fois avec les Lego, là. Puis à chaque fois, c'était à cause de la même calisse de pièces. Mais pas ça dans ta bouche, c'est pas bon, mec. Je m'en calisse, je fais juste la main, faut que j'enlève la pièce, esti. Regarde, c'est cave. Sacré jeune, toi, là. Ouais. Les enfants, n'écoutez pas ce que Jonathan va vous dire. Mais Lego, c'est un outil créatif par excellence. Là. Tu voulais builder, build. Tu veux jouer avec des bonhommes, le casque est enlevable, tout est enlevable. En plus, les bonhommes ils ont l'air violents. Il y a tout un crise de beau sourire gentil. Oui. En face, ouais. Mais quand pour ça, Dark Vader de l'avoir un sourire, là. Ouais, c'est vrai. ça me fait penser un peu, que je viens de penser à ça, que les Lego, on pourrait dire, c'était le Minecraft du temps. C'était. Ouais, tu fais toutes tes créations comme tu voulais, avec ce que tu voulais, c'était infini. En live action. Ouais, live action. C'est Minecraft en live. Tu prenais des lances de tes bonhommes, là, puis là, tu désquisais un peu les jambes puis le torse, puis là, tu rentrais à la lance dedans, t'es comme, tain, il est mort! Là, tu peux faire des moves que tu mets le gars dans les verres. Non, pas mon roi! Puis là, il dit, la lance, le gars, il est là. Puis ça arrive ça, tout avec le gros sourire. Tu sais, le gars, tu l'as enchanté, mais il y a encore le gros sourire devant. Hey, tu peux augmenter la taille des bonhommes, puis leur ajouter plein d'affaires, des propellers, plein d'affaires. T'avais des épées de pirates, des épées de chevaliers, puis à un moment donné, mon cousin vient chez nous. Puis comme, qu'est-ce que t'as, il cachette quoi? Voici mon âme secrète. Mon gars, il a acheté le kit du roi Arthur. Il y avait un cheval fucking armuré, il y avait une couronne armurée, comme un couronne casque. Il y avait l'Excalibur, oublie ça, mes petits gars, poche mon kit de Robin des Bois avec la maison dans l'arbre. T'es arrivé avec ton épée, aussi grande que le bonhomme, puis étant silver, pas grise, comme grise charcoal ou grise métallique, elle brille! C'est quoi? Oh, tabarnak! Le gars, il vaut comme les autres. Tu te dis, ce gars-là, OK, il doit être hot. Fait que là, le combat, t'as pas le choix de mettre 3-4 de tes meilleurs gars contre lui. Là. Sinon, ça vaut pas le 15$ qu'il a dépensé pour acheter son kit. À l'époque! À l'époque, c'était cher! T'allais au magasin qui était tout le temps situé proche de la sortie. Maman, je veux le bateau de pirate. Maman, je veux te la faire. Non, non, non. Puis quand tu reviens, ben là, tout le temps, le petit kit, pas poche, là, je comprends. Là, c'était 10$. C'était genre un bonhomme puis un cheval. Ou un bonhomme puis une carabine. T'es comme, ouais. Le pire, c'est G.I. Joe. T'achetais le kit avec juste les sacs à dos. Tabarnak, tu sais. T'achètes des sacs à dos. Vous avez jamais vu ça? Non. Je m'en rappelle pas, non. Non? Moi, t'es Tortue Ninja, fait que. Je sais pas s'il y avait ça pour eux. Je sais que G.I. Joe, il avait comme les bonhommes t'achetais. Puis là, pour moins cher, t'avais des kits de guns. Admettons, t'as perdu tes guns. Ouais, je me souviens de ça. Kits de sacs à dos. Je me souviens qu'une fois, j'avais juste de l'argent pour acheter des sacs à dos. C'est-tu que c'est le fun? Là, t'es dans le char pour venir à la maison. Tu ouvres ton sachet. Un stack de sacs à dos. T'es comme, wow, sac de crash, sac de médecin. Tu peux rien faire, man. Fait que tous tes bonhommes, ils mangeaient des coups, mais ils étaient capables de se remettre de sur le pied. Tout le temps. Il y avait le sac de camping, est-ce que, mais tu sais, ils peuvent pas se battre, mais ils peuvent survivre en forêt. Est-ce que pour vous, c'est un jouet que ça doit rester pour les enfants, ou c'est un jouet qui pourrait rester pour les adultes? Les deux. Tout le monde. À chaque Noël que je m'en vais au Toys R Us acheter des cartes cadeaux puis des cadeaux, il y a tout le temps un esti de gros setup. C'est pas des Lego, c'est comme les entre-deux. Un setup de Lego médiéval, mais il y a un gars là, qui fait un setup de bataille là, épique. Ah, dans les affaires qui tournent là? Non, c'est juste un setup vitré. Puis le gars, il y a un montage des deux armées qui s'attaquent puis tout ça. Comment là, ça s'appelle ça? Je sais plus si ça en a encore, mais je sais que dans les dernières années, il y en avait. Puis moi, à chaque fois, même à 30 ans, man, je passe devant là. Puis je regarde toute la bataille, je regarde les petits détails, je me dis, man, avoir travaillé au Toys R Us, puis avoir été payé pour faire le setup, j'aurais trippé, man. Tu dis que les figurines sont grosses de même à peu près, là. Non, non, non, c'est ça, c'est pas les genres de entre deux, c'est comme des Lego, mais je sais pas comment expliquer, je sais plus c'est quoi le nom, là, mais c'est... Est-ce qu'il y a une autre sorte qui était en compétition avec dans le temps, je sais plus comment ça s'appelle. Juste un petit peu plus grand que des Lego, mais pas beaucoup, genre l'espace d'une tête. Les Kinex, ça se peut-tu? Pas les Kinex, non, c'est comme des sortes de persos qui ont les... On pouvait juste assir avec une sorte de grosse taille. C'est les vieux méga-blocs de marde. Non, c'est pas méga-blocs, c'est un autre nom. C'est juste une autre collection, puis on partait avec des dragons. C'était un empire de dragons, puis là, il y avait plein de dragons avec chaque gang. T'avais, mettons, les rouges, les noirs, il y avait les gris, des empires différents, il y avait des châteaux, des kits. Mais... C'est-tu Playmobil, là, non? Playmobil, exactement. Non, c'est pas Playmobil, je parle vraiment de genre de Lego avec des trous dans les jambes. OK. Moi, c'est okay. Ça, c'est Playmobil, je parlais, moi. Avec les mains de même. Non, ouais, moi je me souviens des Playmobil, c'était comme un petit personnage. Des gens qui pouvaient juste rentrer dans un seul trou, mais c'est comme il n'y avait pas de bras, pas de jambes. Là. C'était les jouets pour les enfants de 2-3 ans. Là, Playmobil, ça c'est Megablock, je pense. Ouais, c'est Megablock, tu penses. C'est Playmobil, il y avait les jambes, les bras, mais la seule affaire que tu pouvais faire, c'est les assir. Puis là, tu gossais pour rentrer dans les véhicules qui venaient avec. Là, fallait que tu... J'ai une bonne histoire, c'est Playmobil, mais je vais le garder pour le podcast, c'est Playmobil. Ben regarde, t'es mieux de le faire là, parce que si on le fait un podcast sur Playmobil, ça va aller dans 2 ans. Ouais, quand toute notre gang va, tu sais, la première batch de bébés va arriver. Oui. Bon, fait d'abord, je m'humilie en faisant mon histoire de Playmobil. Vas-y, ouais, let's go. Nous autres, on jouait dans le sous-sol avec mon cousin et puis sa sœur, ma cousine en l'occurrence. Puis nous autres, on avait des BD. Puis nous autres, on faisait la même distribution qu'on faisait avec les Lego, mais c'était pour des familles de Playmobil. Fait qu'il y avait des livres qui déterminaient la grandeur de notre demeure. Fait que là, les livres, c'est des demeures qui étaient là dans la ville, la superficie de ta maison. Puis on switchait la lumière on et off pour la nuit et le jour. Puis les bonhommes devaient se promener dans la ville, puis chacun avait une job. Puis là, on pigeait, puis là, il y avait un magasin, il y avait des prix pour les meubles qu'on devait acheter. Puis là, tu avais une job. Ben, mettons, un, c'était le chauffeur d'autobus. Mais le chauffeur d'autobus, les gars, ils n'avaient pas d'auto. C'est comme une calèche. Les enfants en calèche. Il n'y avait pas de place en calèche. Il y avait comme une trappe en arrière. Des fois, ils voulaient les kids en avant des maisons. Ah, c'était là. Fait que là, tu avais ta job, tu avais ton argent, tu avais ton salaire. Puis là, on se faisait des visites, tu sais, un chez l'autre. Un esti setup de Playmobil qui, même encore maintenant, ça manque vraiment. Alors, les accros, grâce à Arcade Retro, vous avez connu son numéro de téléphone et vous connaissez à cette heure son enfance. Alors, vous connaissez toutes de Arcade Retro. Ouais. Pas long, Arcade, tu vas avoir un scream, je vais dire, t'es beau quand tu dors, Arcade. Oui, c'est ça. Comme réveillé, il va avoir un message sur le bord de ma table de chevet. Tu respires bien la nuit. Tu sens bon. Arcade Retro, tu sens une coulisse qui te coule le long de la cuisse. qui ici qui a écouté le film Lego? Non. On est juste deux. On est trois. On est trois. Okay. Avec Jug. Jug, je pense qu'il est coincé. Jug! Jug! V-Jug! Ah, il a bougé! Immobile! D'abord, on va vous remercier ceux qui n'ont pas pu écouter le film parce que ça va être un temps de spoiler après. Fait que oh oui, on non. risque de parler de spoilers. Fait que, si vous voulez pas avoir de spoilers, ben allez-vous-en. Ben, je n'écouterai pas plus après. Vous nous mettez sur pause. Vous allez d'accord. Quand vous allez écouter le film, soit qui va être au cinéma ou en DVD, vous revenez et vous repassez sur play. Ça va être long si t'attends en DVD. Ouais. Moi, j'aurais pas de citrouille, là. Ben, selon moi, ça va être d'ici cet été qu'il va sortir en DVD, fait que... D'ici deux, trois semaines. Ben non. Alors, c'est pas bébé long maintenant, là. Tu sortis en DVD, ça prend pas de temps. En tout cas. Avant, c'était 6 mois d'attente pour les films. Ils viennent sortir au cinéma 6 mois, quasiment un an. Maintenant, t'attends 2 mois, puis il est sorti. Ouais, ils avaient des contrats d'exclusivité auparavant. Il fallait qu'avant qu'ils s'embarquent dans un autre média, exemple les cinémas, si je me trompe pas, ils ont 90 jours. Fait qu'il y a une fenêtre de 90 jours pour passer le film en salle, tu peux pas le diffuser à un autre média que ça. Fait que je pense qu'on va vous laisser. D'accord. Alors, je vais commencer avec Cara, comment on peut te contacter sur les internets. Alors, moi, on peut me contacter sur le forum de accrodesjeux.com pour l'instant. Et aussi, vous pouvez laisser des commentaires sous mes articles et je vais les lire et y répondre si je peux. Donc, c'est ça. Joe, ton côté, comment on peut te contacter sur Internet? Premièrement, vous pouvez me contacter sur le forum des accrodesjeux. Mon nom, c'est John Varpal et je vais faire mon tour à tous les jours. Donc, laissez-moi un message, puis je vais essayer de vous répondre aussi vite que possible. Sinon, vous pouvez me contacter sur la page Facebook et sur le site web de l'Antre du Geek. On est là tous les jours, on laisse des nouvelles. Donc, venez faire un tour, venez faire part de vos commentaires, puis c'est ça. Arcade Retro, comment on peut te contacter sur les internets? Sur les internets, on peut me contacter sur la page Facebook d'Arcade Retro. Arcade Retro, oui. Sur le compte YouTube d'Arcade Retro, Arcade Retro 83. Si vous ne réussissez pas à les trouver parce que les liens sont trop compliqués, allez sur Accro des Jeux, parce qu'on peut me rejoindre également. Et sur Accro des Jeux, vous allez voir mon profil avec les liens sur toutes mes pages pour me retrouver. OK. Alors, merci beaucoup. Après, je peux-tu vous envoyer, je vous envoie une invitation pour la discussion après le podcast, car ouais. Nous avons fait des réunions. Alors, je vais vous renvoyer une invitation plus tard. C'est bon, Ben. Je reçois pas ma livraison de poutine pendant le podcast live, c'est super cool, ça. Yay! Yeah. Merci beaucoup à vous trois. Yes, on se reparle plus tard. On se reparle plus tard. Salut! Bye bye! Mami! Alors, à présent, ceux qui restent, je vous avertis d'avance. Le restant de ce podcast contient des spoilers. Qu'est-ce qu'un spoiler? C'est un gâcheur. Qu'est-ce qu'un gâcheur? On tire des bouts d'un film. Et on peut dire tout, jusqu'à la fin du film. Fait que si vous voulez pas que on vous révèle l'intrigue du film, vous arrêtez ça là. Vous réécoutez plus tard. Vous pouvez nous réécouter plus tard après avoir écouté le film. Et je vous aurais fait mon avertissement. Donc, si vous restez, vous si vous voulez savoir, c'est quoi le film? Lego, le film. Ouh. Alors, on va jaser du film Lego. un film qui est sorti récemment, comme quoi, en février, dans les entours de 6 février, je crois. À peu près, ouais. Ouais. Alors, je vais laisser à Shadow l'opportunité de nous expliquer rapidement l'histoire du film. L'histoire du film, on se retrouve dans, je sais plus c'est quoi le nom de la ville, ça, déjà en partant. Je sais pas si elle avait un nom. On se retrouve avec un des personnages qui vit sa vie monotone, selon les règles, selon tous les plans, qui va finir par découvrir une sorte de groupe qui s'appelle les constructeurs, si je me rappelle bien. C'est ça, que eux, ils vivent contre les plans, ils vont utiliser de leur imagination pour pouvoir construire et tout, et ils doivent retrouver une pièce, c'est vraiment, il y a les noms que je ne me rappelle plus. La pièce de résistance. La pièce de résistance? En français, c'était la pièce de résistance. C'est là, c'est ça. C'est ça, la pièce de résistance qui devrait bleuer. Qui devrait les sauver de tous d'une arme spéciale que le grand méchant aurait trouvée. Lord Business. J'ai vraiment aucune mémoire des noms, cette chose-là. On voit ça, alors. Ouais. Ça fait quand même 3 semaines que j'étais le voir, hein? Ça fait un bout. Oui, ça fait un petit bout, je vous l'avoue. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, j'ai été le voir dimanche. Fait que... C'est frais. Hein? C'est encore frais dans ma tête. Oui, c'est très frais dans ma tête. Fait que je me souviens pas mal de ce qui s'est passé dans le film. Je voulais d'abord votre appréciation générale du film. Moi, je me suis tordu de rire tout le long. J'ai trouvé ça tellement drôle. Ça avait pas de calice de sens. Sérieux, là, c'est rare que je ris de même dans un film. Mais ça, là, ça m'a fait tellement de rire que je pense que j'ai des rires à la voisine à côté. Est-ce que tu l'as vu en version française? Ou malheureusement, je l'ai vu en français, parce que Québec, il l'avait plus en anglais. Quand j'étais allé le voir, je pense une 2 semaines après, ils l'ont enlevé en anglais, parce que la population au Québec, c'est quasiment 85% francophone. Là, fait que, mm-hmm. C'est ça le problème avec nos films à Québec. Fait que, mais c'est pas grave, les films de nation, c'est moins pire, puis Lego, le film, sérieux, même en français, je trouvais que les voix fitaient très bien avec les personnages. Mm-hmm. Et toi, Shadow? Moi, j'ai beaucoup apprécié le film, le fait que tout le long, peu importe c'était quoi, c'est du Lego. Mm-hmm. Les explosions, le feu, peu importe, ça aurait été fait en Lego. Et j'avais trouvé le film qui était lent à starter un peu au départ. Moi, ça a été mon impression, mais quand il embarque dedans, ça n'arrête plus. Mm-hmm. C'est non-stop, ça, c'est une affaire que j'ai bien apprécié, tout ça. Puis la fin m'avait beaucoup, beaucoup surpris aussi. Ouais, la fin est bizarre. Moi, je m'attendais pas à ça, pas en tout. Là. Ben, ça fait, ben justement, c'est ça le but. Je pense que c'était ça leur but, puis je pense qu'ils ont très bien réussi leur fin. Mm-hmm. Moi, j'ai bien apprécié le film aussi. Bon, je dirais pas que c'est le film de l'année dans mon cas. Non. Mais j'ai bien apprécié. Il y a quelques erreurs que je trouve gossantes. Surtout que je l'ai vu en français, comme je dirais, Jog, j'aurais ri à tour de bras si ça aurait été en anglais. Parce que veux pas, le problème avec les films d'animation, c'est la traduction de certains jeux de mots qui se plantent totalement, que la joke ne marche pas en français, parce que la joke est juste pas en anglais. Et il y a beaucoup de jeux de mots dans ce film-là. Ça, on l'entend. Et c'est ce que j'ai trouvé la seule chose la plus plate. Mais sinon, tout dans ce film-là, ça marche. Les animations, la musique, les parler, l'univers en tant que tel, ça fonctionne très bien ensemble. C'est un bon film d'animation. Ça m'a fait beaucoup penser au monde de Ralph. Oui, dans avec les caméos à côté qu'il y a dedans. Là. Il y a beaucoup de caméos. J'ai vraiment apprécié les caméos, mais j'ai l'impression que les mondes de Ralph ont été meilleurs pour ce qui est des caméos. Ben, ça dépend. Nous autres, on parle d'une autre affaire. Nous, on est plus jeux vidéo, fait que nos caméos, ils sont peut-être plus marqués. Puis, on a été chercher plus aussi dans les caméos, dans le monde de Ralph. Ils ont été chercher, comme exemple, des personnages que tout le monde connaissait et beaucoup de personnages rétro que seulement les connaisseurs pouvaient connaître. Oui, c'est vrai. Tu sais, il y a la différence que là, on parlait que les Lego un peu plus enfants, fait qu'ils ont été chercher du stock que le monde connaissait partout. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'était un peu moins comme « Ah, je suis peut-être le seul à connaître ça. » C'est peut-être ça. Je suis d'accord. L'aspect du film que vous avez le plus apprécié? L'humour. Je veux dire, sans l'humour, je pense pas que le film de Lego aurait pu performer là, comme il y avait de sérieux. Ben... Moi, j'ai surtout aimé au début là, quand il fait sa petite routine puis que il fait ses instructions. Là, puis ça a l'air vraiment plate, sa vie. Moi, je te dirais, il y a des. Moi, c'est l'animation surtout qui m'a fait capoter. Voir que, mettons, il y a une explosion, mais tu vois les tranches de Lego faire le feu. Ouais. Je me dis, l'animateur qui est derrière ça, là, j'espère qu'il y a eu un bon bonus. Ouais. Parce que, veux pas, t'as de la job, là. C'est comme. Puis, tu crées pas une explosion de feu aléatoire faite par l'ordinateur. Non, faut que tu bâtisses ton feu. Par pièce. C'est, en plus, c'est la façon qui a été filmée. On a l'impression, pendant les premières minutes du film, OK, il y a certaines affaires, là, l'animation de certains personnages, ça, mais souvent, il va sur la façon qu'il bouge. On a l'impression quasiment c'est du chat par chat. On dirait que comme ça aurait été monté en tant que tel. Mm-hmm. Tu as donc cette impression-là. C'est un peu plus tard que tu vois, OK, ça se peut pas, mais juste les effets de fond, on aurait vraiment l'impression qu'on montait ça photo par photo. Fait que, j'ai bien aimé comment ils ont fait le travail côté visuel, là-même. C'est votre moment préféré du film. Vaisseau spatial! Quand il capote sur son vaisseau spatial, ça... Il donne l'espace qui va absolument faire son nœud. Oh! Vaisseau spatial. Quand il donne le droit. Quand il donne le droit, ça a été mon bout. Tout un comme la barre. Il est en train de virer fou. Ça, ça a été mon bout, là. Dans mon cas, je dirais la rencontre avec Batman. Ouais, ça, par exemple, c'était moins drôle en français. Parce qu'en anglais, il imite la voix de Christian Bale. OK. Ah, faudrait peut-être que je le voie, peut-être en anglais. Moi, habituellement, en les français, films... Ça fait pas en tout, là. Ça m'a un peu déçu, parce que, de toute façon, on l'avait vu dans les pubs, je sais pas combien de fois, là, tu sais, « Batman! » Tu sais, « I don't like other colors than black, and sometimes very, very dark gray. Moi, la chose que j'ai vraiment ri, c'est Superman puis Green Lantern. Green Lantern, il est comme tellement « Je veux être ton ami! » Je veux être... OK, Chris, là. Laisse-moi patience. Faut lui avoir des poignets avec à cause de la colle. Ouais. Quand il se voit capturé, y a-tu quelqu'un qui a la kryptonite, Moi, j'ai beaucoup ri parce que je suis beaucoup fan d'Harry Potter puis de Lord of the Rings. Puis là, tu vois, le petit bonhomme, il arrive dans la salle des créateurs, puis que, genre, tu vois Dumbledore puis Gandalf ensemble, puis genre, le gars, il appelle le Gandalf Dumbledore. C'est comme, tabarnak, arrêtez donc de m'appeler Dumbledore, Chris! Genre, tu vois l'autre après, c'est parce que là, ça vient ce que je vous parlais du jeu de mots. Et le jeu de mots a comme pas marché en français parce que Dumbledore, en anglais, la manière que j'ai l'impression que la joke était sortie, c'est Dumbledore, pour dire stupide. Et la manière que le gars il dit, non, arrêtez de m'appeler Dumbledore, c'est Dumbledore. Mais c'est parce que en français, ça marche pas, la joke est pas là. Non. En anglais, c'était stupide au door, tu sais. C'est le gros problème de beaucoup de films en traduction qui ont scrappé les jokes. Ça en est horrible. Il y a fait qu'ils trouvent d'autres choses comme joke. Ouais. Mais qui aussi qui marche avec les voix qui synchronisent, là. Sinon, à part ça, le bout que vous avez trouvé le plus plate. Je dirais, c'est comme je disais ça, c'est plus le début, on va dire, qui a été un peu lent à starter, je trouve, au début, en tout cas, de mon affaire, moi, il est vraiment, vraiment lent à partir avant d'être vraiment drôle tout le temps, mais quand je dis ça part, ça arrête plus. C'est juste que j'ai vraiment trouvé le début lent. Moi, j'ai pas trouvé ça lent, le début. Moi, ce qui me gossait, c'était les parties avec Lord Business. Puis là, il commence à être full evil en haut de la tour, puis là, il est en train de faire du blackmail ou méchante police là. Ben, moi j'ai trouvé ça long. Puis la partie quand il s'en va dans le gros nuage, là, juste avant qu'il arrive, là, c'était long ça aussi. Je m'en rappelle plus ce bout-là, mais bon. Ben, tu sais, il rentre dans le nuage avec l'espèce de chat là, qui est full happy dans la vie. Ouais, le chat. Trop kawaii. Mais bon. Le reste était correct, c'était drôle. Il y a une chose qui m'a gossé parce que oui, effectivement, ça a l'air que c'est du stop motion pour la majeure partie. une chose qui m'a gossé, c'est quand ils sont dans l'eau, si tu vois les vagues, ouais. Là tu le vois le stop motion, là, puis c'est gossant pour l'œil, c'est l'enfer. Sérieux, là, juste avant qu'ils remontent dans le ciel, puis là que tu vois les vaisseaux là, qui cherchent voir ce qui sont les personnages principaux, là, parce qu'ils chassent. Mais juste avant, tu vois les vagues faites en Lego, puis c'est full lent parce que c'est en stop motion, puis c'est moi au début, j'étais « Ah, c'est-tu, on dirait qu'il y a un lag dans le film, là. » Puis ça m'a gossé plus que d'autres choses, là. Sérieux, là. Ça m'a vraiment gossé. J'ai regardé ma femme à côté, puis j'ai dit « Hey, y a-t-il un problème avec le film, tu sais? » Moi, le bout qui m'a comme gossé un peu, c'est la fin. J'avoue que la fin m'a comme fait « Ouais, c'était spécial comme fin, parce qu'on s'y attendait pas pendant tout. Moi, je pensais qu'elle allait s'assumer 100% l'ego. Mais j'avais un petit doute quand même, parce qu'ils montraient des objets qui avaient carrément pas rapport avec l'ego. Là. Tu t'avais dit... Mais ça, j'avais aimé ça. J'avais aimé ça, le fait qu'au départ, okay, on s'attend qu'on retrouve des affaires par rapport. Tu sais, où je m'attendais aussi qu'on voyait de quoi, mais peut-être pas qu'ils mettent la morale du film là-dessus. Il y avait une clou, il y avait un indice quelconque qu'on allait avoir des vrais humains éventuellement, puis on vient de faire spoiler le film. Wouh! On l'avait dit au début, on l'avait dit, on l'avait dit. On vous avait dit, oui. Mais ça, je m'y attendais pas, mais ça c'était assez évident avec les faces, puis le trombone, puis les morceaux de papier, puis le plaster, puis tout le kit. Ben, juste l'arme extrême, comment qu'elle s'appelle là? C'est le... Le Krager, oui, pour la crise de l'eau. C'est ça, c'est le nom qui était massacré de Crazy Glue, c'est parce qu'il restait juste ces lettres-là sur le... C'est ça, je voudrais savoir, le sparadrap, les affaires de même, j'avais vraiment trouvé ça pas pire. Puis la batterie dans le bonhomme, puis... Ouais, ça, j'avais trouvé ça pas pire. Okay, eux autres, c'est des artefacts divins. J'aimais aussi le principe, comme c'est ça, moi je m'y attendais, mais on va dire, exemple, j'aimais aussi le principe qui est arrivé que c'est leur dieu. Qui s'en vient à des artefacts divins, ça j'avais trouvé ça assez cool. Genre le gars, le petit bonhomme, genre qui. Il a tellement l'esprit vide qu'il a, quand il a vu les images de la pièce de résistance, il a remarqué tout de suite à quoi ça ressemblait de main. Puis le vieux monsieur est comme t'as vu la main divine! Habituellement pour un constructeur. Comme qu'il disait, c'était. Faut ôter toutes les images de ta tête pour pouvoir mettre les nouvelles, pour activer ton imagination. Mais toi, c'est déjà vide. C'est facile. On peut skipper tout ce travail-là. On peut skipper tout ce travail-là. En général, ça va être un film que vous allez conseiller à tout le monde? Oh oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et attendez-vous un deuxième... pensez-vous qu'un deuxième va être aussi bon? Oui, j'imagine que si ça a fait quand même assez d'argent au box-office, qu'ils vont en faire un autre. Peut-être pas une suite directe, un peu comme qu'ils font à peu près avec les jeux Lego qu'il y a présentement, les Lego Indiana Jones, Star Wars, puis tous les kits de même. Je voudrais qu'ils fassent, on va dire, qu'ils partent sur un autre sujet, un autre bébé. Je sais pas si vous avez joué au jeu en tant que tel aussi. Ben moi, j'avais joué au jeu du film au Comic-Con l'année passée, avant qu'il sorte. Ben, le premier mot que j'avais essayé, c'est celui Star Wars. Pis c'est tu parles des autres jeux de Lego, toi, là. Ouais, ben, tu sais, les jeux en tant que tels. Tu sais, s'ils vont de ce style-là, moi, je dis qu'ils pourraient en faire plein. Qu'ils partent sur un Avenger ou un enfant de main, ils peuvent toujours faire de quoi avec ça. Parce que ce que j'aimais aussi dans les jeux, ils s'assument aussi, comme dans le film, ils ont fait, ils s'assument que c'est des Lego. Ils peuvent se démonter, se reconstruire, ils s'assument de même. C'est ça que j'avais bien aimé. Là où je vois un problème avec cette ligne de pensée-là, c'est que ça va chercher une autre licence pour les films qui sont déjà en production pour le cinéma présentement. Je pense que s'ils font un autre film Lego, ça va rester avec les Lego, point. Puis ça va peut-être, inclure peut-être. Les autres. Mais la compagnie Warner Brothers. Ils vont probablement rester avec les licences de Warner Brothers vu que eux autres qui ont produit le film, donc. Ils ont la licence des, bon, des comics, ils ont pas mal de licences, on s'entend. J'avoue que j'ai été très surpris de voir le Faucon Millennium. Oui, j'ai bien aimé. Chez Castor, ça appartient à Disney, t'es comme, ok, c'est la dernière fois que je vois un Faucon Millennium dans un film de Warner Brothers. Mais ils l'ont pas nommé, je pense. Hein. Oui, je pense que oui. Non, je pense qu'ils l'ont pas nommé par son nom. Peut-être pas. Non, oui, ils l'ont nommé. Je me rappelle très bien, ils l'ont nommé. Je suis pas sûr. Moi, je pense que le gars spatial... Mais peut-être pas au complet, mais s'ils ont dit, c'est le faucon. Il me semble que je me rappelle très bien. Mais c'est pas ça le film, dans c'est un film style Disney qui me bosse dedans, parce que je sais que Lego a déjà fait des films, les jeux Star Wars, j'aime ça. Ouais. C'est Batman et les Star Wars ensemble, des affaires de même. Ça a été un choc bizarre. Mais ça, c'était cool, c'était très bien pensé, j'ai vraiment ri. Surtout, j'ai vu la joke après, là, j'ai volé son moteur, là, genre, tu vois le vaisseau essayer de sortir de du verre, puis ça, il tombe. Batman, il est super chien, il dit, je pensais qu'il y avait une femme là-dedans, il n'y avait pas partout, c'est rien qu'un robot, tu sais. j'attends le deuxième, parce que oui, le deuxième a été annoncé officiellement, on ne sait rien de l'histoire encore, mais j'espère que ça va être un bon film, j'espère que ça va être quelque chose qui va être aussi bon que le premier, et j'attends le DVD avec impatience. Probablement, ça va être un film que je vais acheter en DVD, justement pour l'écouter en anglais, pour cette fois-là que je puisse vraiment en voir et entendre toutes les jokes possibles afin de vraiment pouvoir me préparer. Moi, il y a une chose que j'espère qu'ils n'ont pas faite, c'est pour la scène finale, c'est ceux qui ont construit ce qu'il y avait là. Mm. J'espère qu'ils n'ont pas démoli ça, qu'ils ont gardé ça quelque part chez quelqu'un. Non, parce que après ce que j'ai vu sur l'article, ils ont pris 3 800 000 Lego, mais si quelqu'un devait refaire toutes les scènes au complet, ça leur prendrait 15 millions de Lego. Fait que j'imagine qu'ils ont recyclé les Lego à mesure pour faire les scènes. Non, ben peut-être juste exemple la ville. Tu sais, à la fin, ils ont dû faire ça peut-être final. Mais tu sais, la ville construite comme qu'on fait au complet, j'espère qu'on pourra détruire ça parce que c'est une œuvre d'art quasiment. Tu parles-tu de la maison de Will Ferrell? Ouais. Ah, ça, mais ça, il y a déjà des collectionneurs qui ont ça, là. Je suis sûr que certains. Ben, j'aimerais ça. Comme moi, la première fois que je me suis dit, quand j'ai vu ça en bas, je veux sa collection. Ouais, c'était très impressionnant. Mais aussi, la morale de ce film-là, là, comme je vous ai posé la question plus tôt, là, si Lego est un jeu pour enfants ou un jeu pour adultes, ça vient chercher également la petite morale de la fin. Je sais pas, de la façon qu'ils l'ont présenté, oui, ça vient de chercher une morale, ou c'est juste pour dire que, regarde, tout le monde peut jouer à ça, tu sais. C'est quand il dit, ouais, il y a quelqu'un d'autre qui va venir jouer avec toi. Ta soeur. Oh oui! Comment ça sort les dégâts, je pense. Puis genre, tu sais, le monstre bizarre en Lego, il arrive. Je viens vous détruire la planète! Il a voix d'une fillette de 3 ans, t'es comme, OK! En plus, je pense qu'ils sont faits en méga bloc en plus. Un bloc Lego pour enfants plus jeunes. Je pense que ça vient de 7 pour petites filles. Je ne sais pas trop. Ils sont plus gros. Ça fait un non. Tu sais, déjà que le jeune qui chialait qu'il avait déjà démoli sa ville, imagine la petite fille. je veux bien. Tu sais, c'est parce qu'il y a aussi la morale qui montrait que tout le monde laisser jouer, tout ça. Je veux bien, mais qu'est-ce que tout le travail qu'il a mis, c'est dur de vouloir aussi de le détruire comme que, ou de faire doter des parties comme que tout ce qu'il avait fait, tu sais. Je dis pas que son le jeune avait des méchantes idées aussi, ça faut. S'il voulait pas qu'il y ait des enfants qui jouent avec son stock, il y a rien qui a pas d'avoir d'enfants, c'est aussi simple que ça. Ouh! Ça ferme en dedans, ça. Vous avez les commentaires si vous voulez insulter Jug, là. Non, mais je fais pas de bloc Lego chez nous, mon vieux. Non. De toute façon, il fait des boîtes. Ouais, je fais des boîtes. L'enfant, il va pas jouer avec les boîtes. Ça peut être surprenant. Moi, je jouais pas avec des boîtes quand j'étais jeune. Moi, mes enfants vont jouer avec un Nintendo. Original. Ou la boîte du frigidaire. Oui, du frigidaire. Quand il va changer de frigidaire. T'as jamais fait des châteaux en boîte? Non. J'ai fait des camps dans le bois, mais j'ai jamais fait des châteaux en boîte. On n'a pas eu la même enfance. Shadow, je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si toi dans ton temps, Joliette, tu as eu ça, mais en arrière de l'ancien IGA du centre-ville, il y avait des crêtes de lait en plastique. Et mon frère et moi, on se faisait des forts en crêtes de lait. Non, j'ai pas connu les IGA pour. Non, tu n'as pas connu ça. Non. Ça, on est fait. C'était mes Lego. Hein? Ouais. On l'a fait, ça, nous autres. Oui. Parce qu'à l'école, au primaire, il y en avait des boîtes de lait de main en plastique, puis on se faisait des murs. Donc, on avait aussi, mais ils ne voulaient pas qu'on y touche. Nous autres, on le prenait pareil. Là, les profs couraient après nous autres. Faites-le! C'est parce que nous autres, on s'est du fun avec ça, là. Ceci conclut le podcast des accros concernant les Lego. Shadow, tu peux-tu nous dire comment on peut te contacter sur Internet? On peut me rejoindre sur la page Facebook Shadow Zone Game, que je vois assez souvent et régulièrement. On peut me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube Shadow Zone Game aussi, du même nom. On peut me rejoindre aussi sur le site des accros des jeux. Je vois aussi assez régulièrement. Et il y a mon compte Twitter aussi sur le nom de Shadow Zone Game qui vient tout juste d'être créé. Fait que je vous attends avec grande impatience. Jug, comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter par l'entremise de ma chaîne YouTube, bien sûr. Maintenant, j'essaie de répondre au plus de commentaires possibles, donc c'est plus interactif entre les usagers et moi. Et je vous invite à aller sur ma page Facebook aussi et profiter du fait que je poste présentement des boîtes custom pour vos jeux, si jamais ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi aller sur accrodesjeux.com, là où on peut discuter de sujets super intéressants. Comme, où est-ce que Alpha torche les planchers? La question de la semaine, les accros. Où travaille Tester Alpha? Comme concierge. Comme concierge. À quelle école secondaire? Puis quel genre de mop utilise? Ah, mais Guylaine a dit c'est peut-être le primaire. Maternelle? Maternelle, ouais, ouais. Passe partout. Alors... Garderie? OK, on a tout entendu. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Comme je vous ai dit plus tôt, il y a la boîte postale des accros de jeu que vous pouvez nous faire parvenir, soit un colis ou une lettre. Je vais vous redonner l'adresse. Donnez-moi 30 secondes parce que je retrouve tout de suite l'adresse. Alors, si vous voulez me faire parvenir quelque chose à un des membres des accros de jeu, vous pouvez le faire via la boîte postale à accros de jeu. Au nom du critique, casier postal 314, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B8. Vous pouvez également aller sur le forum des accros des jeux. Je suis là quotidiennement à chaque jour faire mon petit tour. Il y a également la page Facebook des accros des jeux, facebook.com/accros des jeux. On est présentement, on est pas mal sur la page Facebook, c'est vraiment cool. Je viens juste aller chercher le montant tout de suite. On est en ce moment 354. J'aimerais ça atteindre bientôt les 360. Alors, si vous pouvez aller faire un petit j'aime sur la page, allez-y. C'est très, très apprécié. Et d'habitude, on poste toutes les nouvelles publications qui sont sur Accro des jeux. Ils vont automatiquement avoir un lien sur Facebook. Fait que vous pouvez nous suivre très, très facilement. Il y a également le Twitter des accros des jeux, à commercial accros des jeux, et il y a également le courriel des accros des jeux. Et cette semaine, j'ai reçu un beau courriel de la part de Frank Moore Finance, à commercial gmail.com, et qui me dit « Bonjour, nous sommes des investisseurs privés, et nous aimerions vous donner une hypothèque pour votre business. Alors, pour 4%, on vous donnerait un équivalent de 4%. » Alors, je dois donner mon nom, le montant que je veux, la durée du temps, mon numéro de téléphone, et je le fais parvenir à M. Frank Moore. Ben, merci Frank Moore, mais j'ai pas besoin d'argent. Alors, si vous voulez vraiment m'envoyer un vrai courriel, par exemple, allez-y à accrodesjeux à commercial@gmail.com, et d'habitude, je réponds quasiment dans les 2-3 heures qui suivent après votre courriel. D'habitude, je réponds très, très rapidement. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Soyez présents la semaine prochaine parce qu'on va parler du grand maître Shigeru Miyamoto et on va se demander s'il est véritablement une légende du monde du jeu vidéo. Alors, soyez présents avec nous le 1er avril prochain. D'ici là, c'était le Big Ben. Juste un gamer. Et Shadow QC. Pour le podcast des accros, merci beaucoup d'avoir été présent et à la semaine prochaine. Bye bye. Hey!